Job chapitre 10. Mon âme est ennuyée de ma vie, je m'abandonnerai à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, ne me condamne point, montre-moi pourquoi tu plaides contre moi. Te plais-tu à m'opprimer, et à dédaigner l'ouvrage de tes mains, et à luire sur les desseins des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme mortel? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme mortel? Tes années sont-elles comme les jours de l'homme? Que tu recherches mon iniquité, et que tu t'informes de mon péché? Tu sais que je n'ai point commis de crime, et qu'il n'y a personne qui me délivre de ta main. Tes mains m'ont formé, et elles ont rangé toutes les parties de mon corps, et tu me détruirais. Souviens-toi, je te prie, que tu m'as formé comme de la boue, et que tu me feras retourner en poudre. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, et ne m'as-tu pas fait cailler comme un fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as composé d'os et de nerfs. Tu m'as donné la vie, et tu as usé de miséricorde envers moi, et par tes soins continuels tu as gardé mon esprit. Et cependant tu gardais ces choses en ton cœur, mais je connais que cela était par-devers toi. Si j'ai péché, tu m'as aussi remarqué, et tu ne m'as point tenu quitte de mon iniquité. Si j'ai fait méchamment, malheur à moi. Si j'ai été juste, je n'enlève pas la tête plus haut. Je suis rempli d'ignominie, mais regarde mon affliction. Elle va en augmentant. Tu chasses après moi, comme un grand lion, et tu y reviens, tu te montres merveilleux contre moi. Tu renouvelles tes témoins contre moi, et ton indignation augmente contre moi. De nouvelles troupes toutes fraîches viennent contre moi. Et pourquoi m'as-tu tiré de la matrice, que n'y suis-je expiré, afin qu'aucun œil ne m'eût vu, et que j'eusse été comme n'ayant jamais été, et que j'eusse été porté du ventre de ma mère au sépulcre? Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Cesse donc, et te retire de moi, et permets que je me renforce un peu, avant que j'aille au lieu d'où je ne reviendrai plus, en la terre de ténèbres, et de l'ombre de la mort. Terre d'une grande obscurité, comme étant les ténèbres de l'ombre de la mort, où il n'y a aucun ordre, et où rien ne lui est rien que des ténèbres.